platine à la mort, la mort. Pour moi, quand c'est pas facile, mais on y arrivera. Pour moi, tu nous as trahis, tu verras plus le jour. Pour moi, tu as trop voulu faire le fou. Je t'aimais bien quand même, mais toi tu me salis sans pitié. Et quand je parle de très trahi, pas ma faute si tu te sens visé. C'est pas ma faute si tu te sens visé. Je sais pas si je dois te voir comme un ennemi, toi, ou comme un petit chien. Arrête de me faire l'associer. Entre toi et moi, y'a un gros fossé. Avec tout ce blême, même pas le temps de se poser. J'te jure, j'ai tous envie de les creuser. J'ai pas le temps de prendre le soleil en Croatie. On m'a dit persévère, frérot, y'a rien de facile. Je comprends pas.